Bonjour Helmut, comment vas-tu? Mes amis, quel week-end de Fennec j'ai encore passé. Figurez-vous que samedi soir, j'étais attendu en Irak pour participer à l'arrestation de Saddam Hussein. Puis samedi matin, alors que j'allais prendre l'avion pour Tikrit, je reçois un message sur mon téléphone. Ah. Allô, Helmut, c'est la vieille police Lebrick, Geneviève de Fontenay. J'espère que tu te souviens que c'est aujourd'hui l'élection de Miss 2004. Dès tout à l'heure à Deauville, je t'embrasse sur les boules. Nom de Dieu! L'élection de la radasse de l'année. J'avais complètement oublié. Ni une ni deux, j'appelle l'état-major américain à Bagdad. Allô, les Yankees, Helmut on the phone. Sorry, impossible coming to attrap Saddam with you. Alors, listen bien à ce que je veux dire. Saddam is in Tikrit, 3 rues du chameau qui pète. Il est planqué dans un trou in the parquet, derrière the ordure. Hartung, Saddam is aujourd'hui barbu with cheveux longs, like a hippie. Good luck! Et j'ai pris le train, direction de ville. Oh, une fois sur place, j'ai demandé ma chambre. Je fonce pour prendre une petite douche avant de rencontrer les finalistes. Une fois dans la piole, ah, qu'est-ce que je vois allongé à poil sur mon lit? Ben, qu'est-ce que tu fais là, Geneviève? Mon petit Helmut, je vais ton cadeau de bienvenue. Viens faire un petit béco à Geneviève. Ah, mais c'est-à-dire, ça va pas être possible, ma grande. Il est presque midi, j'ai encore toutes les candidates à visiter. Tu vois ce que je veux dire? Ben, si tu viens pas avec moi sur le lit et que tu me ravages pas comme une bête sauvage, j'offre la première nuit de Miss France à Roger. Alors, tu peux pas faire ça, Geneviève. Saute-moi dessus, fais-moi mal, salaud. Je me suis donc exécuté. Ah, je l'ai ravagé le vioque, j'avais la haine, hein. Et puis je me suis préparé pour les miss. Je les ai rejoints les grandes luches, elles étaient toutes dans le jacuzzi. Alors les cocottes, ça roule. Viens voir là, Miss Bretagne. Mais t'es plutôt bonasse, la bigoudaine. Allez, approche-toi, j'ai le chalutier qui veut rentrer au port, j'ai les soupes pleines. Oh, coucou, Miss Alsace. Allez, vas-y, fais voir la choucroute, j'ai apporté la charcuterie. Allez, hop, on passe à table. Etc, etc, etc. C'est pas votre région, non? J'ai fait le tour de toutes les prétendantes. Au bout de 7 heures, je suis sorti à genoux du jacuzzi. Le soir venu, j'ai fait mon rapport à Roger Hanin, qui a le droit aussi à sa nuit avec la Miss. Oui. Et voilà, c'est Miss Alsace qui a enlevé le morceau pour sa dextérité charcutière. Et puis j'ai pris l'avion pour Zagreb pour filer un coup de main à l'équipe de France de handball. Oh. J'y suis arrivé juste avant les prolongations. À peine le temps de donner ma gourde de schnapps aux Françaises. On a vu le résultat. Oh les gars, je crois que je suis le meilleur. Bien sûr, pour fêter la victoire des filles, on a voulu me récompenser physiquement. Ouh, là encore, ça a duré 4 heures. Quel week-end, je suis vanné, j'irai tant de me coucher.